Les cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, comme Kim Yong-nam, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti Travail de Corée et président du présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, et le premier ministre Park Bong-joo, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti Travail de Corée et vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, ainsi que les députés à l'Assemblée populaire suprême qui vont participer à la 5e session de la 13e législature de l'Assemblée populaire suprême ont déposé le discours rond, les corbeilles et bouquets de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu avant de rendre hommage.